matin, c'est la même chose. Avec notre système informatique, une tonne de cartons sur mon bureau, sorti notre boucle automatique. Pire qu'un virus informatique, je prends mes calmants au moindre clic. Je traque les transactions pathétiques et celles qui sont emblématiques. De bug en bug, je me balade dans les couloirs, on peut me voir. Grand gourou, je suis le grand gourou de notre système informatique et dynamique. Je jette un sort aux transactions, je fais mon show sur notre réseau. C'est moi le roi du coller-copier, à grands coups de la dent nos bases de données. Le Sherlock Holmes des sorties sans entrée, le mercenaire des users angoissés. Comme dit mon ami Astérix, la science exacte n'est pas informatique. Devant cette machine diabolique, le sablier gagne notre organisme. De bug en bug, je me balade dans les couloirs, on peut me voir. J'suis grand gourou, j'suis grand gourou de notre système informatique et dynamique. Je jette un sort aux transactions, je fais mon show sur notre réseau.